future. S-E-V-A-N. On l'envoie en VV. S-E-S-E. Des kilos de CC. S-E-S-E. La police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien. S-E-V-A-N. Sur le tableau de bord, ni Kalashnikov est mort. Personne ne me fera de cadeau. Des trous dans la peau. Capitaine du game, pas besoin de thème. J'ai flow de Pablo. S-E-V-R-A-N, c'est le son de la NATEM. Plus d'amour que de la haine. P-E-N-L-A-T-E-N. Mes dojo, mon vice, les Magucci, mon polo. PTTF passe comme du Dolce. Tes potes, tes putes, ta team et ton gang. Je leur encule leur race sans forcer. J'suis foncé, j'suis cuit, j'suis marbré. C'est toi ou le champagne que j'dois sabrer. J'comprends plus que tu dis, j'suis navré. C'est ton cul ou la street qui est délabré. On jette grand-mère dans les orties. Beaucoup de cyprines dans les shorties. Dans tous les écrans et les orties. Tu me forces à te montrer la sortie. Kalash à la Kadhafi. Kalash à la Kadhafi. Fuck les négros, avachi. Fuck les négros, avachi. Blabla, j'raconte pas ma vie. Grosse dose d'anarchie. Combo sauce arachi. J'explose comme un karachi. S-E-V-R-A-N. S-E-S-E-V-R-A-N. On l'envoie en féfé. S-E-S-E. Des kilos de CC. S-E-S-E. La police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien. S-E-V-R-A-N. Fiac à Ghislaine et Geoffroy. Pour mettre au monde ce genre de Renoir. Le bassin de Marianne est trop étroit. Ma boucle brille tellement que j'ai bu, il est gnafou. Même le soleil en devient jaloux. M'accroche à tes fesses ou tes rajouts. J'utilise le reste de tes ex pour le ragoût. Pour l'instant je marche sur leurs pommettes. Bientôt je marche sur la comète. Le cœur de la boîte de nuit bas. Au rythme des palpitations de la planète. Tu me vois à travers les barbelés. Je te vois à travers les feux xénon. Tu devrais arrêter de nous harceler. Surtout si t'as une face de guenon. On ne pense qu'à rester groupé. Au Mercedes se classe coupé. On est venu te dépouiller. On ne restera pas pour le souper. Tous ces négros snitch. Ton sac est falche, bitch. Pas comme dans Hitch. J'te baisse direct comme Big Mitch. Toujours dans le ghetto, une main sur les métaux, l'autre sur mon pédo. J'impose mon veto. J'passe de 0 à 100 juste avec une plaquette. J'te fais couler ton sang juste avec une claquette. J'ai dans le congélateur au fond Glock avec modérateur de son. Et je poserai toujours le front. Parce que les adorateurs le font. S-E-S-E-V-R-A-N. S-E-S-E-S-E-V-R-A-N. On l'envoie en féfé. S-E-S-E. Des kilos de CC. S-E-S-E. La police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien. S-E-V-R-A-N. Fuck.